La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e Avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladoux au numéro de téléphone 418-276-4888. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. C'est la chronique de la dernière chronique en direct avec Phil Desgagnés, puisque la semaine prochaine, on sera c'est une revue de l'année qu'on a enregistrée hier. Salut Phil! Salut! Phil, je veux te parler avant tout. Tu as été longtemps amateur des lignes ouvertes. Puis il y a combien de monde qui nous appelle, puis qui appelle les lignes ouvertes, puis qui disent j'échangerais tel joueur pour tel joueur. Mais je te dis ça parce que aujourd'hui, j'ai parlé avec Pierre Arsenault, dépisteur des Marlins de la Floride, qui a été impliqué dans les discussions dans l'échange de Giancarlo Stanton. Il m'expliquait comment ça se bâtit une transaction, les pourparlers que tu as, les rapports qu'il faut que tu émettes. Quand il y a de l'île pour parler, le temps qu'il faut que ça qu'il agisse et ainsi de suite. Une transaction, là, c'est pas mal plus facile à concocter dans le salon chez nous que dans la réalité, hein? C'est un peu pourquoi moi j'ai de la difficulté à critiquer exemple Marc Bergevin. Ah ouais. Parce que j'aurais gardé Markov, j'aurais gardé Radulov, j'aurais gardé ci, j'aurais gardé ça. Quand tu vis avec le plafond salarial, quand tu vis également avec les contrats qui sont à renégocier l'année d'après, quand tu vis avec des joueurs qui vont tomber aux joueurs autonomes sans compensation, et tu vis également avec les assistants dans certains amphithéâtres, le budget de l'équipe. Mmh. Au baseball majeur, c'est un peu moins compliqué. Il n'y a pas de plafond salarial. Sauf que tu te bats avec des équipes qui n'ont aucun plafond salarial qui s'appelle les Yankees de New York, ouais, les Red Sox de Boston, les Blue Jays de Toronto, les Dodgers de Los Angeles, des équipes qui attirent 3 millions de spectateurs, quand d'autres, les marchés, exemple Miami, que tu me parles de Miami, attirent à peine 1 million de spectateurs par année, puis le propriétaire n'est pas un George Steinbrenner de ce monde ou un propriétaire, un Murdoch qui était propriétaire des Dodgers de Los Angeles. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'une équipe doit évaluer quand il fait une transaction, quand ils font une transaction. Et ils savent également qu'ils s'engagent à long terme. Moi, je trouve ça inimaginable de ce qui se donne au baseball majeur. On donne des contrats de 10, 12, 15 et 20 millions par année à des joueurs d'année. Écoute, c'est la masse salariale de clubs de la Ligue nationale de hockey il y a à peu près une dizaine d'années. Mm. Les Nordiques de Québec, quand ils étaient dans la Ligue nationale il y a 20 ans, la masse salariale était autour de 28, 30 millions. Aujourd'hui, elle est à 80 millions. Ouais. C'est tout des impondérables que le commun des mortels qui est assis dans son salon, qui dit « Moi, je changerais Pacioretty, puis je ferais telle transaction, puis j'irais chercher tel gars, puis j'irais faire ci. » C'est facile chez nous, c'est facile de le dire, c'est facile d'appeler dans une ligne ouverte, mais quand le propriétaire, le DG, s'assoit pour regarder la transaction, il y a une tonne de faits qu'il doit considérer avant. Exemple, Miami, actuellement, a changé à peu près ses trois meilleurs joueurs. Oui, oui, c'est ça. On me dit que les nouveaux propriétaires n'ont pas les poches creuses comme certains propriétaires de la Ligue nationale. Ils n'attirent pas de monde, même avec des joueurs vedettes. Il faut dire qu'en Floride, il n'y a pas de monde, là, les dernières années, même si tu avais des joueurs vedettes là-bas. Là. Ouais. Donc, à ce moment-là, il faut que tu joues et que tu montes ton équipe en fonction du budget que tu as puis du marché que tu as. C'est la réalité d'aujourd'hui dans le sport professionnel. Mais c'était vraiment intéressant. Il a expliqué comment que ça se construit. Le rapport qu'il faut qu'un dépisteur, parce que lui est impliqué, il connaissait un dépisteur, il faut qu'il émette le directeur général qui appelle un entremetteur, que l'entremetteur appelle ses dépisteurs pour, mettons, on a une offre de tel joueur, genre. Puis il faut que tu bouges vite, là, parce qu'il ne faut pas que ça s'ébrute, l'offre, là. Et là, est-ce que l'autre équipe va retirer son offre? Tu sais, c'est tellement facile à dire à ça. Mais à quelque part, ça fait la beauté du sport aussi. Le gérant d'estrade, oui, on peut commenter, oui. Mais bon, on dit qu'après ça, que Marc Fortier m'a dit tout. Il y a des gars qui sont payés pour faire ça, là. Ouais. Et les dépisteurs, il y en a à peu près une douzaine ou une quinzaine, ça dépend des équipes, là, qui sont redélégués. Écoute, moi, régulièrement, je vais au match des Saguenay, hein? Ouais. La Ligue nationale, on voit entre 12 et 20 dépisteurs de la Ligue nationale. Et ça, c'est juste au Québec, là. Ouais. Tu sais, il y en a autant en Ontario, il y en a autant dans l'Ouest, il y en a en Europe. Le club de la Ligue nationale, d'ailleurs, quand tu vois aux assises du repêchage de juin, tu regardes autour de la table, ils sont toujours 12, 13, 14 dépisteurs. T'es un qu'au junior majeur, puis tu te retrouves avec 9, 10. Là, tu parles de la province de Québec, puis les Maritimes. Ouais. Tu parles pas de tout le Canada au complet. Donc, c'est toujours complexe. Et effectivement, quand tu as des joueurs vedettes, comme il s'est fait cette transaction-là avec les Giants de San Francisco, là, il faut que tu regardes de dire, je vais recevoir quoi en retour? C'est des futurs. C'est des, comme dit Roger Brulotte, des suspects qui, dans les prochaines années, joueront peut-être dans le baseball majeur. Ça peut arriver que tu fasses une transaction tout à fait extraordinaire, que tu réussisses, comme tu peux arriver que tu te trompes. Alors que un joueur comme ils viennent d'échanger, qui a frappé 50 circuits puis près de 200 points produits, lui, c'est sûr que à San Francisco, une équipe qui est prête de gagner puis qui ont besoin de ça, c'est parfait. En Floride, ça va changer quoi dans l'équipe? Est-ce qu'ils deviennent nécessairement des aspirants en le gardant? Pas nécessairement. Mm. Ils sont peut-être mieux de se bâtir tranquillement une équipe avec de jeunes joueurs. Puis un jour ou l'autre, quand ils seront prêts de gagner avec l'équipe qu'ils auront, à ce moment-là, ils pourront peut-être se payer un ou deux grandes vedettes. Un peu ce que les Yankees font, puis que les Red Sox font également. C'est un peu ça aussi. Non, mais c'était... la nouvelle de la semaine au Saint-Jacques-Saint-Jean, c'est Richard Martel. Tu m'as dit en dehors des ondes que t'es vraiment pas surpris de ça. Moi, je l'ai été. Je m'attendais, moi, que ça allait... Honnêtement, je m'attendais que, tu sais, qu'il était heureux comme rôle de commissaire. Ouais, mais écoutez, d'ailleurs, j'écris mardi prochain là-dessus, dans le Journal quotidien, c'est que, oui, mais l'arrivée de Richard Martel, commissaire de la Ligue, moi, je pense que Richard trouve ça plus compliqué et plus dur que je pensais. Les résultats, actuellement, ne se font pas nécessairement sentir. Au niveau mais des est-ce que c'est du court terme? Ça fait 4 mois qu'elle est en place. La Ligue nord-américaine de hockey, tu regardes, c'est toujours d'une année à l'autre. Est-ce qu'elle va partir? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va avoir assez d'équipes? Richard Martel, à l'âge où il est, il doit penser pour plusieurs années. Richard Martel a gagné des bons revenus dans la vie, mais c'est pas un multimillionnaire. C'est pas un gars qui peut vivre de ses rentes. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret pour lui. Donc, à ce moment-là, si le Parti conservateur lui est arrivé avec une proposition intéressante, et Richard était clair, il va en politique pour y demeurer. Donc, ça veut dire que il est là pour quelques années. Moi, je pense que Richard a mis une croix sur son rôle d'instructeur-chef. Il n'y a pas eu d'offre dans les dernières années. S'il y avait eu à en recevoir depuis 3 ans, il est au Québec, il aurait été capable de recevoir des offres. Il n'y en a pas eu. Donc, c'est clair que de ce côté-là, c'est maintenant terminé. À ce moment-là, il se dirige vers d'autres choses qui l'intéressent. Écoutez, moi, je sais qu'il a été contacté par des gens ici à Saguenay lors des élections municipales, soit à la mairie ou soit comme échevin. Il a regardé les deux possibilités. Il a songé pendant plusieurs semaines avant de donner sa réponse. Non. Là, il dit que les conservateurs sont arrivés avec une offre qui était beaucoup supérieure, intéressante et qui allait avec ses valeurs. Donc, écoutez, est-ce que Richard, on peut empêcher Richard Martel? Et deux, pour les conservateurs, c'est quand même un nom. C'est un visage, c'est un gars connu, il est dans le secteur. Alors que les libéraux, c'est différent. Ils ont un premier ministre qui a une image à travers le Canada, à travers le Québec, qui est très populaire. Les conservateurs ont un nouveau chef. Ils ne peuvent pas se baser là-dessus pour gagner une élection avec un nouveau chef, avec une nouvelle image. Donc, ça lui prend des candidats qui ont de l'envergure, qui ont de la popularité. Tu sais, rappelle-toi, il y a quelques années, Jack Layton au Québec. Ouais. Jack Layton est une figure populaire. Tout à coup, on peut élire une tonne de candidats au Québec, tous des parfaits inconnus. Exemple, Mme Trudel était à travers ça. À travers le temps, Mme Trudel s'est faite un nom. Elle est devenue une députée aguerrie. Elle, maintenant, elle possède ses dossiers. Elle est maintenant une vedette du parti, faut le dire, là. Donc, elle connaît la politique. Là, maintenant, elle a moins besoin d'un chiffre parce qu'elle s'est faite un nom dans son secteur, dans son milieu à elle. Dans le cas des conservateurs, ils ont tout à faire avec leur chef, leur image. Donc, ça leur prend des candidats qui ont des candidats de vedettes. Exemple, quand on a présenté Richard Martel, c'était qui? C'était deux candidats vedettes du Québec qui étaient sur place pour soutenir Richard dans cette campagne. Maintenant, est-ce que Richard a pris la bonne décision ou pas? Moi, je pense qu'il n'y avait pas un grand risque dans le cas de Richard. Maintenant, j'ai hâte de voir quelle est la réaction de la Ligue nord-américaine de hockey. Écoutez, on voulait de l'expansion, ils travaillent là-dessus, il y a des dossiers, il y a des avances. Moi, je pense que Richard peut, avant la campagne électorale, qui va se faire, à mon avis, au mois de mai, à peu près, là, je pense que Richard a le temps de travailler, d'avancer ses dossiers jusqu'à temps. Écoutez, une campagne électorale, ça dure 5 semaines. Là. Oui, il va travailler entre-temps, encore là. Mais moi, je pense qu'il s'est fait offrir une job dans le Parti conservateur, parce que c'était une garantie. Moi, je le dis dans mon texte mardi que il n'est pas allé là sans avoir des garanties. Il n'y a pas... Parce que Jean Lapierre disait... Il va être là pour au moins les... S'il ne gagne pas cette élection-là, il va continuer à travailler pour préparer la prochaine élection dans 2 ans. Phil, Jean Lapierre disait... Que Richard a avec eux autres. Ouais. Jean Lapierre disait que, qu'un candidat local, c'est à peu près 5% du vote. Dans le cas de Martel, on peut peut-être mettre 10%, mais c'est pas assez. Pas. Écoute, le Parti conservateur ne porte rien. Je parlais avec Simon Tremblay cette semaine. Ils n'ont aucune équipe. Ils ont dans Chicoutimi, ils ont pratiquement pas d'équipe. Tu sais, c'est pas gagné pour Richard. Moi, je pense que Richard, là, il se fait la main pour voir un peu dans cette élection-là. Parce qu'une élection partielle, le parti au pouvoir est toujours nettement avantagé, en principe. Tu sais, quand tu as un bon gouvernement, puis c'est quelque chose, on l'a vu au Lac-Saint-Jean, les libéraux voulaient absolument ce comté-là de Denis Lebel. Ils ont réussi à aller le chercher. Là, les libéraux, ils sont déjà propriétaires, ils sont déjà les gens en place dans le comté de Chicoutimi avec Denis Lemieux. Ils vont tenter par tous les moyens de le faire élire le prochain candidat et ils vont se présenter, à mon avis, une bonne pointure et d'où le premier ministre va mettre toute la gomme pour le faire élire. À ce moment-là, pour Richard, c'est peut-être plus un exercice pour le prochain mandat dans 2 ans. Ça va permettre à Richard de se monter une organisation. On permet à l'organisation des conservateurs de faire connaître leur chef également, qui me semble un jeune très dynamique et tout, mais il reste que c'est Andrew Scheer, je pense, qui est leur chef. Donc, il faut qu'il se fasse connaître, il faut qu'il prenne le temps, et ça, je pense que c'est un peu la manière qu'on doit bâtir en politique, et probablement, c'est un peu ce que Richard fait. Moi, je pense qu'il est là pour 2 ans. On lui a trouvé une entente qui satisfait lui. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec son poste de commissaire? Écoutez, Richard, demain matin, là, je pense pas que nécessairement la Ligue nord-américaine a un candidat pour immédiatement le remplacer. Là. Richard a travaillé sur un dossier d'expansion. Puis s'il y a vraiment des dossiers bien avancés là-dedans, ils vont y laisser compléter son mandat de ce côté-là, minimum. Là. OK. Phil, je vais te souhaiter une bonne période des fêtes. Repose-toi bien. Beaucoup de santé. Puis je suis bien content de t'avoir encore une fois comme collaborateur. Puis au plaisir de se reparler en 2018, le 5 janvier. À toi la même chose, Danny, puis profitez-en bien pour se reposer, tout le monde. Collaborateur Phil Desgagnés.